Canal B à Rennes ou de Radio Vassivière dans le Limousin. Bienvenue dans l'Asile le plus sûr. Cette semaine, à défaut de conte de Noël, je vous ai concocté une petite histoire des musiques électroniques de 1958 à 1978. Et on démarre par un pionnier assez méconnu, le Hollandais Tom Dijsselveld. Extrait du coffret Popular Electronics des studios Philips Research Laboratories 1956 à 1963. Un très beau coffret, 4 CD, édité il y a de ça 2-3 ans par Basta. Tom Dijsselveld qui a pas mal collaboré avec Dick Regemakers, qu'on connaît dans les musiques électroniques populaires sous le nom de Kid Baltan, comme pour ce EP Electronic Movements qui était sorti chez Philips en 1962, des pièces de 1958 et 1959, et on écoute pour démarrer le morceau de Tom Dijsselveld, Vibrations. We'll be right back. Listening to is completely electronic and has been created and produced on equipment designed and manufactured by Manhattan Research, a division of Raymond Scott Enterprises Incorporated. Thank you. The Baltimore Gas and Electric Company. Gas, electricity, all the energy you want, all the service you need. Fuel, power. The Baltimore Gas and Electric Company connects you with carefree living. Aperçu de la façon dont on s'amusait avec les sons électroniques à la fin des années 50, début des années 60, avec tout d'abord les Pays-Bas et la fameuse musique électronique populaire de Tom Disselvelt et son acolyte Dick Reichmakers, plus connu sous le nom de Kid Baltan pour la série de disques qu'ils avaient sorti sur Philips au début des années 60. Il y a un très beau coffret dont est extrait de la pièce qu'on a écoutée au tout début, quadruple CD, avec un très beau livret aussi, des témoignages de l'époque, les laboratoires Philips, qui s'appelle aussi l'Institut de sonologie d'Utrecht, créé donc par Dick Reichmakers, qui n'ont pas fait que des choses drôles. Il y a aussi des musiques contemporaines électroniques plus sérieuses. Juste après, on a écouté un petit medley de Raymond Scott, compositeur d'abord de jazz et surtout inventeur d'instruments électroniques visionnaires tels que le clavivox, la circle machine, le rhythm modulator et également l'électronium, qui était un instrument qui était censé composer instantanément de la musique. Raymond Scott avait carrément une maison entière remplie de ses créations d'instruments électroniques qu'il a commencé à monter à partir du début des années 40 du côté de New York. Berry Gordy, d'ailleurs le boss de la Motown, lui avait commandé un électronium à la fin des années 60. Donc Raymond Scott avait travaillé pour la Motown au début des années 70. Là, c'était des pièces de ses créations pour la publicité, avec pas mal de pubs pour les détergents ou aussi donc pour les compagnies de gaz ou d'électricité américaines de l'époque. Il s'agissait, pour la sélection qu'on a pu écouter, de pièces du tout début des années 60. Et ça s'est réuni dans un coffret Manhattan Research Incorporated, le nom de la fondation de Raymond Scott, également publié par Basta comme l'autre coffret dont je vous parlais juste avant. Donc c'est un coffret de CD cette fois, avec là encore, ça se présente comme un livre CD avec pas mal de photos de ces instruments précurseurs et d'interviews de ses collaborateurs ou de sa femme, donc des gens qui ont côtoyé Raymond Scott, qui témoignent de son délire un peu monomaniaque d'invention électronique. Voilà, on va continuer avec une séquence plutôt de musique contemporaine électronique et la pièce historique de Edgar Varèse, le fameux poème électronique de 1958, créé à l'origine pour être diffusé dans le pavillon Philips pour l'exposition universelle de Bruxelles, pavillon qui avait été construit par Le Corbusier. Et donc cette création sonore était projetée sur 425 haut-parleurs, accompagnée également par une projection d'image. Pour ce poème électronique, il a travaillé au groupe de recherche de la RTF. Il était revenu en France des États-Unis après-guerre. Et Yanis Xenakis avait collaboré également à la construction du pavillon et à la création du poème électronique. On écoute cette pièce assez longue d'Edgar Varèse, le poème électronique. Thank you.

Oui, dans la deuxième moitié des années 50, les compositeurs de musique contemporaine ont commencé à s'intéresser à la musique électronique, comme en cette année 1958, où le compositeur d'ionisation et de désert Edgar Varèse a créé le poème électronique pour le pavillon Philips de l'exposition universelle de Bruxelles, avec d'ailleurs une pièce de Yanis Xenakis qui figurait aussi dans ce même pavillon, la pièce Congrès PH, Parabole, Hyperbole, qui servait d'interlude, puisque tout ça passait en boucle apparemment. Et donc il y a eu des milliers, voire des millions de visiteurs à assister à la projection sonore et d'images dans ce fameux pavillon Philips. Juste après la pièce de Varèse, il s'agissait du compositeur hongrois Ligeti, qui avait déjà réalisé deux pièces électroniques en 57, Glissandi et Articulation en 1958. Et cette pièce électronique numéro 3 avait été créée au fameux studio de la radio de Cologne, la WDR. Mais apparemment, la pièce n'avait pas pu être finie. Donc, on la trouve en entier et enfin réalisée dans cette anthologie de l'Institut de sonologie d'Utrecht, où on retrouve aussi la pièce de Varèse dans sa version originale. Il y a aussi le Congrès PH Yanis Xenakis d'ailleurs, et des pièces de Konrad Böhmer, Richard Barré, Gottfried Michael Koenig, Kees Tazelaar, donc l'Institut de sonologie des Pays-Bas à Utrecht, anthologie publiée par le label BVHAAST. On retrouve de toute façon la fameuse pièce de Varèse sur pas mal d'anthologies historiques de la musique électronique. Le compositeur que je propose maintenant est nettement moins connu. C'est un Brésilien, il s'appelle Jorge Antunes, très très peu connu en Europe, malgré le fait qu'il a travaillé aussi à Utrecht sous la direction de Gottfried Michael Koenig fin des années 60. Il a également été stagiaire du groupe de recherche musicale début des années 70. Il a fait pas mal de travaux sur les correspondances entre couleurs et sons. C'est le fondateur du centre de recherche chromo-musical au Brésil et professeur de musique électro-acoustique. On va écouter un extrait d'une anthologie que j'avais trouvée il y a quelques années qui s'appelle Musica Electro-Acustica Periodo do Pioneirismo, sorti par je ne sais pas trop quel label, c'est pas vraiment bien indiqué sur le disque, produit au Brésil en tout cas. Une pièce de 1962 qui s'appelle Valsa Sidérale, donc la valse sidérale, qui est assez fantastique, cette pièce de Jorge Antunes d'ailleurs, qui n'est pas calée. Donc on va attendre un tout petit peu le temps de mettre le disque en route, ça ne saurait tarder. Jorge Antunes, qui est toujours en vie et qui continue à produire de la musique, pas que électronique apparemment. En tout cas, dans cette anthologie, il s'agit de pièces qui vont donc du début des années 60 jusqu'à la fin des années 70. On écoute ce morceau, Valse sidérale. Woo! Do your wash the new way, the tumble wash way. The Liberator tumble wash costs only 75 guineas, and look what it does for you. It washes, it rinses, and it spins, all in one tub. Turn one dial to heat the water as hot as you want. Turn another dial to wash, with a gentle tumbling action that forces suds through every fiber. One lever rinses till the water's crystal clear. Another lever spins. You never touch the clothes yourself until they're spun and sparkling clean. Wonderful tumble wash. The only 75 guinea one tub washing machine. Made by English Electric. Made to last. Et donc à l'instant, dans l'asile le plus sûr, tout d'abord la valse sidérale du compositeur portugais Jorge Antunes, et c'était enchaîné avec une pièce de Daphné Oram. Daphné Oram, qui est la fondatrice du BBC Radiophonic Workshop, qui est assez célèbre pour avoir fait beaucoup de créations sonores pour la BBC dans les années 60, également sorti des disques assez intéressants avec des sons électroniques innovants à l'époque. Elle avait quitté ce studio qu'elle avait fondé au tout début des années 60 pour créer le sien, et avait développé un instrumentarium assez nouveau aussi. Il y a un double CD qui vient de sortir sous le titre Oramix, sorti par le label Paradigm Records très récemment. On va continuer avec Morton Subotnick. Morton Subotnick, compositeur californien, cofondateur du San Francisco Tape Music Center avec Ramon Sander. On va écouter un extrait de sa pièce la plus connue, Silver Apples of the Moon de 1967, qui utilise le synthétiseur modulaire de Donald Pulchla. C'est une des premières compositions importantes pour synthétiseur modulaire, sortie sur le label Elektra Nonesuch à l'époque, réédité sur Wergo avec la pièce The Wild Bull, un disque qui s'était énormément vendu, je ne sais pas, peut-être par millions aux États-Unis, cette pièce Silver Apples of the Moon, dont on écoute un extrait. Thank you. Thank you. petite séquence d'électronique rétro avec tout d'abord Morton Subotnick, un extrait du Silver Apples of the Moon de 1967 qui était enchaîné avec un extrait de l'album Pop Électronique de Cécile Leuter. Cécile Leuter qui est le pseudo de Roger Roger, en fait c'était le nom de sa grand-mère, un album de 1969 sorti sur une collection d'illustrations sonores à l'époque qui s'appelait Neuilly. Ça a été réédité par Pulp Flavor. Et la troisième sélection, il s'agissait du fameux Jean-Jacques Perret avec une pièce de 1968 qui s'intitulait Island in Space, d'une anthologie publiée par Vanguard. Jean-Jacques Perret toujours actif, il a sorti un disque avec Luc Vibert sous le titre Moog Acid il y a pas très longtemps. Voilà, donc je ne sais pas s'il vit toujours aux États-Unis ou s'il est en Europe. En tout cas, Jean-Jacques Perret continue à sortir des choses, qu'on se le dise. On va continuer avec une pièce d'Electronic Sound de George Harrison. Et oui, le fameux George Harrison des Beatles qui avait produit cette chose en 1969 sur le label Zample à l'époque. Par le label Apple. Voilà, donc on va écouter un extrait d'une très longue pièce qui s'intitule No Time or Space, composée en collaboration et avec l'assistance de Bernie Crozet, une pièce de Moog en quelque sorte assez étonnante, pas du tout mélodique, rien à voir avec ce qu'il faisait aux côtés des Beatles. On écoute un extrait de ce No Time or Space. Thank you. Thank you. Oui, à l'instant dans l'asile le plus sûr, tout d'abord un extrait de l'album Electronic Sound de George Harrison, sorti en 1969. Je crois qu'il avait même été classé dans les charts, évidemment, vu que c'était George Harrison, mais une musique assez incroyable, sortie sur le label Zapple. Voilà, le bon titre de label, c'est bien Zapple. Ça a été réédité en CD et c'était enchaîné avec la rencontre entre le trompettiste de Free Jazz, Don Cherry et John Appleton, musicien compositeur électroacoustique américain. L'album Human Music, sorti sur Flying Dutchman en 1970. Ça a été réédité par le label Water il y a tout juste un an. Voilà donc Don Cherry qui était principalement à la voix et aux percussions sur cette pièce, mais il y a aussi des pièces où il est à la flûte de bambou et à la trompette. Et il y a deux bonus d'ailleurs sur cette réédition, quatre compositions assez longues et deux pièces inédites. Voilà, on va continuer avec la musique de Konrad Schnitzler, musicien allemand principalement connu pour avoir joué dans Tangerine Dream, groupe qu'il a quitté pour former le groupe Cluster avec un K, aux côtés de Rodelius et Moebius au début des années 70. Suite à ça, il a continué son petit bonhomme de chemin en solo avec pas mal de musique pour des installations et des performances sonores, notamment à la galerie de René Bloch à Berlin. On va écouter un album qu'avait sorti d'ailleurs René Bloch en 1972 sous le titre Rot, album rouge, deux compositions, Meditation et Krautrock. À l'époque, il jouait pas mal sur synthétiseur analogique Synthi AKS. Il y a pas mal d'albums un peu dans ce registre, tels que l'album Cone en concert sorti sur Cubico, et également Eruption et Zug sorti eux aussi sur Cubico. On écoute un extrait de cet album Rot qui a été réédité par Captain Trip il y a de ça 2-3 ans. Un extrait de la composition Meditation de Konrad Schnitzler. We'll be right back. Oui, à l'instant, une petite séquence Synthi AKS avec tout d'abord Konrad Schnitzler et un extrait de Roth paru en 1972, l'album Rouge. Et c'était enchaîné avec Eldon, la musique de Richard Pinas sur la compilation récemment sortie Musiques électroniques en France 1974-1984, sortie dans la petite collection Les Utopistes dont s'occupe Dominique Grimaud de Camisole et Vidéo Aventure, que je salue d'ailleurs s'il nous écoute. Compilation sur laquelle on peut retrouver également des inédits de Vidéo Aventure et Camisole. Pascal Comelade, qui avait démarré avec un projet d'ailleurs assez proche de ce que faisait Richard Pinas sous le nom de Fluence. Il y a aussi une longue pièce de Lard Free et le groupe de Jean-Pierre Grasset, Verto. Voilà, donc c'est paru chez Musea Gazul. On va continuer avec la musique d'un total inconnu. Ça vient juste d'être édité par Krillpone en double CD. Il s'agit de Nicolas Reisevic, alias Nick Pascal. Il avait d'ailleurs d'autres pseudos tels que Gypsy Fleming. Il a fait de la musique électronique de la fin des années 60 au milieu des années 70, notamment sur son propre label indépendant qui s'appelait Narco Records. On va écouter un album paru en 1971 sur ce label sous le titre Beyond the End, 3 points, Eternity. Sous-titré « Electronic Music from Realization of Eternity ». Ça fait pas mal penser à ce que faisait Coil quelques années plus tard, la musique de Nick Pascal, musique plutôt sur synthétiseur modulaire. Il a aussi rajouté des rhythm boxes et de l'harpe 2600 sur les albums suivants. C'est quelqu'un qui a complètement disparu de la circulation après 1976. Il avait revendu tout son matériel électronique à Steve Roach. On écoute le titre Deathless de Nick Pascal sur son album Beyond the End Eternity. voilà l'émission Panorama des musiques électroniques de 1958 à 1978 touche à sa fin. Vous avez pu entendre à l'instant un extrait de l'anthologie Persian Electronic Music Yesterday and Today de 1966 à 2006, sorti sur Sub Rosa à l'automne dernier, avec deux compositeurs représentés sur ce double CD. Atta Eptekar alias Sauté sur le CD2, et là il s'agissait d'un pionnier des musiques électroniques, Ali Reza Masayeki, et la pièce de 1970, Yad Opus 66, et juste avant donc la musique de Nick Pascal, Nicolas Recevic, je crois qu'il est d'origine grecque. On n'a pas beaucoup d'informations sur ce Lascar, en tout cas il y a une très belle anthologie qui est parue sur Krillpone, qui est à sa 80e référence, 80 et quelques. Depuis 3 ans, beaucoup d'archives ont été restaurées grâce à leurs soins. On va terminer avec une pièce de musique électronique industrielle de la fin des années 70 de Cabaret Voltaire, groupe de Sheffield, assez proche de la musique de Strobing Gristle, le groupe de Chris Watson, Richard H. Kirk et Stephen W. Melinder, à l'époque où il faisait une musique encore proto-industrielle et qui ne sombrait pas dans la musique dance assez insipide telle qu'ils ont pu faire dans les années 80. On va écouter une pièce qui s'appelle Heaven and Hell, qu'on retrouve sur une anthologie triple CD de leurs pièces de 1974 à 78, sous le titre donc Méthodologie triple, avec notamment leur premier 45 tours. Voilà, je vous souhaite une très bonne nuit. Je vous dis à la semaine prochaine pour une émission qui sera une rétrospective des disques préférés de l'asile de l'année 2007. Voilà, bonne semaine à vous, à bientôt. Oh. abduction. Gates experience closed by your ignorance. Something happened, some spot time. Have it.